14, 8388, ma gueule. Le 2 c'est sa haine. J'connais la rue et ses putains de galères. Aussi brillant qu'un solitaire, ou stupéfiant, j'reis solitaire. Pas d'ouvrier, matelas en pierre, permis de conduire qu'à la fourrière. Excès de vitesse sur du ta mère, la foudre n'arrive que par derrière. Comme Jack Messrine, j'suis criminel. Fier d'être kabyle, big up au bled. Un coup de fusil, j'crois que t'es dead. Sur un coup de fil, j'crois que c'est clair. Si ça part en couille, j'incendierai les ministères. Un verre de Jack, fini la belle. Pour mon 9-4, j'baisse les rebelles. En bas du bat, y'a des lamelles. Les rues de Paname remplies de Le Pen. Nos jours, les bolos sont du zèle. La crasse se trouve belle et se tox immortel. Muni de son garrot, de sa grosse ringue mise dans les veines. Pour du subu, certains bâtards vendraient leur mère, leur père. S'il vous plaît, niquez votre mère. BES au père, 9-4 trop vénère. Pas de tendresse, en tendresse, cagoule revolver. Rien que sa presse, rien que ça vend les yeps sur terre. J'baise la presse, les mécréants, les bavures policières. BES au père, Valdev trop déter. Pas de tendresse, en tendresse, cagoule revolver. Rien que sa presse, rien que ça vend les yeps sur terre. J'baise la presse, les mécréants, les bavures policières. Depuis l'adolescence, j'enchaîne les coups durs. Envoie un bête de son, j'roule un spark, j'oublie tout ça à coup sûr. Hey, j'apprécie être posé avec mes rots. Aïe, j'apprécie toujours l'élégance avec l'ego, ouais. Des gaines de sale gosse par excellence, poteau. Si un de mes potes tombe, ouais, je resterai pas dans le silence. Je fais toujours du peu que j'ai un paradis. C'est BES, style pompe fusil. BES, style pompe fusil. L'état nous baise, ouais. Le rap paye pas tous les 24, c'est la BBES. Et ça se déchire pour des choses futiles, inutiles. 9-4 Valdev gravé sur le textile. De la bonne et sale manière, ma gueule, je m'exprime. Ça se fait remonter, poteau, même en parlant codé. Ça veut pomper, MC graille pas, il se met à vos codés. Tu pues de la gueule, même si tu grailles, je marche pas à tes côtés. BES, tu serais personne, même pour être coté. BES au père, 9-4 trop vénère. Pas de tendresse, en tendresse, car mon revolver. Rien que sa presse, rien que ça vend les yeux sur terre. J'baise la presse, les mécréants, les bavures policières. BES au père, Valdev trop déter. Pas de tendresse, en tendresse, car cool revolver. Rien que sa presse, rien que ça vend les yeux sur terre. J'baise la presse, les mécréants, les bavures policières. Comme tout le monde, je suis entouré de vrais salopés de pulcra. C'est malheureux, mais pour me pâmer, j'ai besoin d'un bout de gras. BES, s'opère, ça pose du sale chez Ricta. Combien sont sur le terrain sans rapporter de billets? L'état nous baise et je fais qu'une chose, poteau, c'est de le crier. Puis l'on détruit et je fais qu'une chose, poteau, c'est d'en griller. Alors je balance ce que j'ai dans l'encrier. Je te dirai qu'une chose, je fais pas partie de la race des enculés. Dans le rap game, certains sentiront la douleur. Certains rappeurs devraient se jeter dans leur centrale rétroviseur. S'opère sur le R1, des boules à 100 km/h. Action, tâche de sang pour un kilo, tu deviens killer. Pour faire ce cône de 18h, tiens ton break, faire star les 8h. Ça ressort fort, tiens, je ramène du shit, tout ça, chacun dans des petits beurs. En cas de bavure, j'ai mon bavure, que je racle plus 300 dalles de l'heure. S'opère toujours déter comme cette bouffonne de contrôleur. BES opère, 9-4 trop vénère. Pas de tendresse, en tendresse, qu'un bon revolver. Rien que ça presse, rien que ça vend les yeux sur terre. J'baise la presse, les mécréants, les bavures policières. BES au père, Valdev trop déter. Pas de tendresse, en tendresse, qu'un coup de revolver. Rien que ça presse, rien que ça vend les yeux sur terre. J'baise la presse, les mécréants, les bavures policières. BES gros, les dessous du bitume. 9-4, aïe aïe aïe.